Yes, il est 15h passé de 8 minutes sur le 95 FM et vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations comme tous les dimanches ou quasi tous les dimanches de 15h à 17h en compagnie de Bruno. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission because l'Alcatraz Metal Fest de Courtrai, c'était à quelques kilomètres d'ici et c'était le dernier concert européen de Twisted Sister. On reviendra là-dessus dans quelques minutes, mais tout d'abord on a commencé l'émission avec Riot. Riot, groupe qui sera à l'affiche du prochain Fall of Summer qui se tiendra le vendredi 2 et samedi 3 septembre prochain, et ça se passe à 30 km de Paris près du lac de Torcy en Seine-et-Marne. Donc Riot qui sera à l'affiche, et c'est le vendredi 2 sans Mark Reel bien sûr, qui nous a décédé, qui nous a quitté il y a 4 ans, mais avec d'autres membres issus de diverses moutures de Riot à travers les années, et ils seront sur la Sanctuary Stage à partir de 19h55. À l'instant, également un groupe qui a une grosse actualité au niveau concert, et bien ce sont nos amis d'Overdrivers, extrait de leur unique album à ce jour, Rockin' Hell. On a écouté le morceau Bertha Rottenfold, et pour les avoir vus ce vendredi à Burbure, et bien c'est vraiment un groupe qui vaut le détour en live, une débauche d'énergie et une joie de jouer, de communiquer évidente. Ce groupe ira très loin, et si vous voulez faire une opinion, et bien sachez que le 3 septembre ils seront en concert en compagnie des Anglais de Absola avec Dex Iced Earth et Crossfire en plus d'Overdrivers, et c'est à Mamès dans le 6-2 le 3 septembre. Toujours dans les concerts et toujours pour Overdrivers, le Rhemfest 9 et 10 septembre, et donc le samedi 10, outre Overdrivers, il y aura également Mover's Finest, Vienzer, Mirat, les Anglais de Diamond Head, issus de la New Wave of British Heavy Metal, ou encore les New Roses, parmi tant d'autres. Et encore dans les concerts et toujours avec Overdrivers, cette fois-ci en compagnie de Fracasme, Carlos Not Dead, Headblaster qui viendront très prochainement nous rendre visite dans les studios de RQC, et ça se passe à Neuilly-Mines, et c'est le samedi 12 novembre, salle Mendès France, à partir de 17h, et c'est seulement 5€. Il y aura un petit rock market, rock et metal market, de 15 à 21h, et ça m'intéresse au plus haut point. Allez, blablabla, on repart en musique avec Iron Maiden en 1979, une version démo restée inédite et uniquement disponible sur la compile Axe Attack, une erreur d'impression en fait. Ils avaient prévu la version qu'on retrouve sur le premier album Iron Maiden. Ils se sont trompés, on a droit à un petit collector avec Doug Sampson à la batterie. Et vous ferez la différence vous-même. Vous verrez bien que la version avec Clive Burr à la batterie est beaucoup plus péchue et dynamique. On s'écoute la version démo de Running Free. this one is, are you ready now? Are you ready? Are you ready? And this one's a fucking long one and it kicks some mean fucking ass. I said, are you ready? This one's called It's Only Rock and Roll, but I like it! Get your hands motivated! Go, go, go, go! Hey, if I'm a stick, my head. A lot of you know what you gotta do, but I'm gonna explain it just for the sake of all the new people down here tonight. All the new people down here tonight, they think they're so fucking not obvious. They think that just because they got an Iron Maiden t-shirt on, nobody knows that they're a new person. Well, let me tell you something. The only people who stand around like this all night are new people. So baby, you're gonna get hit hard and fast, and I don't want you to let me down. You gotta show everybody in this wide world just how much you love rock and roll. You know why? Because this thing's being recorded tonight, you know that. And this record's gonna go all over England, all over Europe, all over the United States of America. And everybody was gonna hear just how fucking sick the people at the Marquee Club in London are. They're gonna see just how fucking rowdy you can be. So I want you to be doing it loud. The three little words I need out of you, the three little words I need are I like it. It's very easy, a fucking trained dog can do it, baby. I like it, that's all you gotta say. Say, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. And this is when you say it. This is when you say it. When I go, I know, it's only rock and roll, you go, I like. Now that's fucking easy, man. That's easy. And I got faith. I got faith that down here tonight is just about 100% Twisted Sisters friends. Just about 100%. So I know every single motherfucker in this room is gonna do it first time out, ain't ya? You gonna do it first time out, ain't ya? I think so. Get ready now. I wanna see how good you are. Go like this. I said, I know it's only rock and roll. Did you see that, man? Did you see how many motherfuckers were screaming, I like it? 95% of this audience was screaming, I like it. And the other 5% was standing there like fucking pricks with ears. Well, pricks. Are you gonna shout, I like it this time? Well, I gotta tell the sick motherfuckers to kick the shit out of you. You're gonna say I like it, I know you're gonna say I like it. One more time, let me hear that's loud. I said, I know, it's only rock and roll, but these motherfuckers are hot. Stop the music. Give a round of applause to the fucking audience for a change. Baby, this time when you do it, most of you got your fists in the air. Most of you got your fists in the air. When you yell, I like it, throw your fists in the air. Show everybody you love rock and roll. Throw your fists in the air. And one more thing, if you're real sick, if you're real crazy, if you're real rowdy motherfucker, I want you to do one more thing for Twisted fucking Sister. I want you to jump. I want you to jump. I want you to leap in the fucking air. And you say, why should I leap in the air? Everybody's gonna laugh at me if I leap in the air. Well, if somebody's laughing at you, kick them in the fucking face, okay? Because nobody should stop you from having a good time. You should do whatever the fuck you want, whenever the fuck you want, and don't let nobody stop you, understand? So I wanna see it. I want you to shout, I want you to jump, and I want you to throw your fist in the air, because this is it, motherfucker. This is it. We gotta go. So get ready to do it now. Get ready. It goes like this. I said, I know it's only rock and roll. Yeah, only rock and roll. 15h24, pétante sur le 95FM, www.rqc.be, c'est l'émission Rock Donations. On est ensemble jusqu'à 17h et à l'instant, Twisted Sister, et avec une version survitaminée et quelque peu destroy de It's Only Rock'n'Roll, enregistrée à l'ancien marquis de Wardour Street à Londres en 1983, et extrait du single You Can't Stop Rock'n'Roll, également de la compilation Big Hits and Nasty Cuts. Twisted Sister, donc, qui a fait ses adieux sur les scènes européennes dimanche dernier à l'Alcatraz Metal Fest, un super concert avec forcément les grands hits qui ont fait la gloire de ce groupe new-yorkais, mais également quelques surprises avec notamment trois morceaux extraits de l'album Command and Play, le morceau titre qui donne son à l'album The Fire Still Burns, et également I Believe in Rock and Roll. Et ils nous ont fait le plaisir également d'interpréter cette version de It's Only Rock and Roll, le hit single des Rolling Stones, également dans une version quelque peu rallongée avec un Dee Snider très en verve et très en parole qui n'hésitera pas à alpaguer les premiers rangs qu'il trouvait un peu faiblard. Donc ben voilà, dernier concert européen, et apparemment toujours d'après Dee Snider, bête de scène. Ils sont pas là pour faire comme Scorpion, Judas Priest ou Kiss, hein, sans les blâmer. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces groupes annonçaient leur tournée d'adieu et quelques années plus tard continuent à enregistrer des albums. Ça ne sera pas le cas, soi-disant, pour Twisted Sister. Deep down inside, Yes, ADX à l'instant, groupe également l'affiche du Fall of Summer. Sachez que durant toute l'émission, vous retrouverez un titre, voire deux, d'un groupe qui est à l'affiche de ce festival. Et c'est le cas d'ADX qui sera sur la Blackwater Stage le 2 septembre à 13h40. Imaginez, 9 albums pour ADX, près de 30 ans de carrière, hein, en comptant les breaks. Et bah voilà, ils jouent à une heure quand même. C'est bien trop tôt et c'est un peu honteux. Mais bon, on va pas cracher sur ce concert, même s'il faut être là à 13h40. On y sera, extrait du 9e album Non Serviam, le morceau du même nom. Juste auparavant, les Américains, quatet américain Malice, 2e album sur le label Atlantic, License to Kill, paru au printemps 1987, et un fantastique morceau d'ouverture, assurément leur meilleur, Sinister Double. Bah, comme je vous avais dit à l'instant, hein, durant toute l'émission, on retrouve les groupes qui sont à l'affiche du Fall of Summer. C'est le cas d'Exciter dans sa formation originelle, Dan Biller à la batterie, Alan Johnson à la basse et John Ritchie à la guitare. Dan Biller se charge également des parties vocales et ils sont en concert. Donc je regarde un peu mes fiches. Bien écoutez, ils sont à l'affiche le 3 septembre à un horaire quelque peu ça me semble correct. On regardera ça tout à l'heure. 18h55 sur la Blackwater Stage, et c'est le 3 septembre, donc c'est le samedi. On retrouve donc Exciter avec un inédit issu des sessions de Long Live the Load, à l'époque où le terme inédit signifiait vraiment quelque chose. Et on s'écoute Riders from Darkness. Black Desert Demon, un extrait du dernier album en date de Metal Inquisitor, les Allemands de Metal Inquisitor, quatrième album, Ultima Ratio Regis, paru sur le label Massacre Records en 2014. Quatre albums studio, mais de nombreux split EP, live albums, compilations, une discographie plutôt fournie pour ce quintet allemand Metal Inquisitor. Juste auparavant, un excellent inédit d'Exciter issu des sessions de Long Live the Loud qu'on retrouve sur les fameuses compilations Speed Kills parues sur le label Music for Nation dans les années 80, Riders from Darkness. We'll be right back. 15h54 minutes sur le 95 FM, www.rqc.be, l'émission Rock Donations avec Bruno. C'est jusque 17h et on a commencé, tout à l'heure, il y avait l'album du mois avec Unstoppable Force d'Agent Steel, deuxième extrait pour ce mois-ci. Le morceau d'ouverture Unstoppable Force, et la semaine prochaine, vous retrouverez un autre extrait de ce fabuleux album de Heavy Speed US datant de 1987. À l'instant, le dernier album des très controversés, très médiatisés, tout ce que vous voulez, Ghost. Celui-ci s'appelle Meliora, sorti l'année dernière, et c'était le morceau d'ouverture Spirit. du bon son, de la bonne musique, de la bonne cam, c'est sur Rock the Nations et c'est sur le www.rqc.be, la page Facebook de l'émission Rock the Nations, tout simplement, ou mon profil perso, Bruno Iron Alford, Iron Alford en un seul mot, avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît, l'enchaînement Fatal, Pantera et Scratch Bulb, ça va leur faire plaisir. Scratch Bulb, ce sont de gros fans de Pantera, extrait de leur premier EP, 5 titres et le morceau d'ouverture Grand Scrotum, et juste auparavant bien sûr donc Pantera avec l'immortel Move Forward, extrait de l'immortel Vulgar Display of Power. Yes, double dose consacrée au label Noise avec le groupe de cette écurie allemande Celtic Frost. Tout d'abord, groupe qui a amené dans le métal le chant plaintif, les chœurs féminins. Tout vient de là, l'album Into the Pandemonium paru en 1987 et le morceau Mesmerized est juste à l'instant. Eh bien, c'était Tankard avec un extrait live Chemical Invasion, extrait de l'album du même nom paru donc sur ce label en 1987. Tankard, groupe qui sera à l'affiche du Fall of Summer le 2 et 3 septembre 2016. C'est à 30 km de Paris, près du lac de Torcy, et c'est en Seine-et-Marne. Et donc Tankard qui clôture le festival sur la Sanctuary Stage le samedi 3 septembre à minuit 5, qu'on se le dise. Dans mon top 10 du trash, sans l'ombre d'un doute, Nuclear Assault en 1986, leur premier album Game Over, et le morceau Sin, bien sûr Nuclear Assault, eh bien c'est Dan Lilker, c'est John Connelly, c'est Anthony Bramante et c'est le batteur Glenn Evans, auteur de ce fabuleux premier album et c'est un chef-d'œuvre. Voilà, à classer aux côtés des Rain in Blood, Forbidden Evil, Ignorance, j'en passe et des meilleurs. Juste auparavant, c'était pas mal non plus, les Allemands de Death Row, je vous parlais d'une double dose consacrée au label Noise. On aurait pu parler d'une triple dose, puisque la première édition de cet album, Raging Steel de Death Row, c'était sur Noise. La réédition CD sur le label néerlandais Displeased, et extrait de ce fabuleux album, on s'écoutait le morceau Mortal Dread. Yeah. Ils nous viennent de Suisse, de Genève. Plus précisément, ils pratiquent un death metal brutal et mélodique à la fois. Ils sont signés sur le label basé sur l'île Great Dane Records. Et ils s'appellent Mind Warp, leur album A Cold Black Day, dont on a extrait le titre Descent to Hell juste auparavant. C'était Whiplash. Whiplash qui seront à l'affiche du Fall of Summer qui se situera le 2 et 3 septembre prochain à 30 km de Paris, près du lac de Torcy en Seine-et-Marne. Et Whiplash donc qui clôture la journée de vendredi à partir de 5:00 sur la Sanctuary Stage, donc le vendredi 2 septembre. Extrait de leur deuxième album Ticket to Mayhem, c'était le morceau Walk the Plank. On retrouve tout de suite Dunkelnacht. Dunkelnacht, ils nous viennent du nord de la France. Ils ont sorti un EP en début d'année, Rituals of the Occult. Ils sont en concert avec Drogard, Decadent, et il y aura un quatrième groupe le 9 septembre à Roselaar et plus particulièrement à Roulers. C'est au Deverlicht Guest et c'est à partir de 18h le vendredi 9 septembre. Dunkelnacht, Drogard, Decadent, plus un quatrième groupe à Roselaar, Roulers, et Dunkelnacht. Ça sera en interview sur Rock the Nations et c'est le 11 septembre, le dimanche 11 septembre, à partir de 15h. Extrait de leur EP Rituals of the Occult, on s'écoute le morceau du même nom, Dunkelnacht. See your power.

Morbid Paroxysm, les Grecs de Dead Congregation, extrait de leur premier album Graves of the Archangels, sorti en 2008 sur le label Nuclear War Now Productions. Et donc Dead Congregation, les Grecs qui seront également à l'affiche du Fall of Summer le 2 et 3 septembre 2016 à 30 km de Paris, près du lac de Torcy, c'est en Seine-et-Marne. Et c'est le 3 septembre à 18h sur la Sanctuary Stage, Dead Congregation. Juste auparavant, les excellents Rebellion, auteurs d'un terrible troisième album sur le label Hammerheart, The Hell's Decrees, dont on a extrait le morceau The Path of the Wolf, et Rebellion qui était en concert le 10 août dernier à Ostende. Un Rebellion sans leur guitariste Ronaldo Lima, mais avec Adriano Martini, qui est également membre à ses heures perdues et en tant que bassiste du groupe Exterminate. Bon ben voilà, hein, ils ont assuré, malgré quelques petits soucis de route, ils ont eu un accident, rien de grave, hein, je vous rassure, mais bon, ils ont eu un peu de retard, ils sont arrivés sur scène vers 11h30, le temps de brancher le matos, minuit moins 10, ils ont envoyé la sauce jusqu'à 1h, et c'était vraiment bien, une setlist surtout axée sur le premier album Burn a Promised Land, et le tout dernier, bien sûr, The Hell's Decrees, promo oblige, et curieusement, un seul titre du terrible Annihilation, mais bon... Voilà quoi, Rebellion, on est bien content de les retrouver, et normalement ils reviennent en Europe au mois de novembre et décembre prochain. On croise les doigts, on espère une petite date près de chez nous, et puis voilà, comme ça, ça nous permettra encore une fois d'aller les saluer et de les féliciter pour l'excellence de leur musique. On repart avec les dernières sorties du label Great Dane. On a écouté tout à l'heure Mind Warp. C'est au tour de Lord of the Cemetery. Et ils nous pratiquent également du Death Black. Et on s'écoute extrait de leur premier album. Eh bien, écoutez, on va s'écouter le morceau Eternal Dance of Death. Il y a 11 ans, le 18 août 2005, nous quittait le batteur emblématique de Vedder, le Doc Dosunt. À cette occasion, eh bien, Rock the Nations rend hommage à ce fantastique batteur pour l'époque, avait un savoir-faire rare en ce qui concerne les breaks assassins et autres blast beats. Et donc Rock the Nations lui rend hommage en s'écoutant un petit Wings, morceau d'ouverture extrait du 4e album paru en l'an 2000 sur le label Metal Blade, et l'album bien sûr s'appelle Litany. Mais l'actualité pour Vedder, eh bien, c'est les prochains concerts, et c'est surtout la date du vendredi 2 septembre sur la Blackwater Stage à 18h55, et c'est au Fall of Summer. Vedder à ne pas louper, et on rend une nouvelle fois hommage au Doc avec une double dose consacrée à ce fantastique batteur qu'est le Doc, et bien sûr à Vedder, avec un extrait du EP Sotis paru en 1994. C'est le morceau du même nom, Sotis Vedder. We'll be right back. Les dieux Vader, double dose consacrée non seulement à Vader, mais à leur emblématique batteur, le Docent Doc, qui nous a quittés le 18 août 2005, il y a donc un peu plus de 11 ans. Et à cette occasion, eh bien, Rock the Nations, on a diffusé deux titres, avec tout d'abord Wings, extrait de l'album Litany, quatrième album paru en 2000 sur Metal Blade, et à l'instant, extrait du EP Sotis, paru en 1994, le morceau du même nom. L'actualité, bien sûr, je le rappelle, c'est le Fall of Summer du 2 et 3 septembre prochain à 30 km de Paris, près du lac de Torcy en Seine-et-Marne. Et Vader est à l'affiche, bien sûr, donc c'est immanquable le vendredi 2 septembre sur la Blackwater Stage à 18h55, une heure de Brutal Death Made in Poland, à ne pas louper. Vader, et y a plein d'autres trucs, hein. Y a Whiplash, il y a Dead Congregation, tout ce qu'on a pu écouter également en cette émission, Exciter, il y a également des groupes qu'on n'a pas passés, comme Paradise Lost, il y a Samael, il y a Shining, il y a plein de trucs, c'est sur deux jours, c'est à ne pas louper, et puis n'hésitez pas, hein, prenez votre passe deux jours. Franchement, le cadre est idéal et puis l'affiche est vraiment, vraiment, vraiment bien. Oh là là, le temps passe vite, il est déjà 16h55 sur le 95FM www.rqc.be. L'émission Rock the Nations touche à sa fin et on va terminer en douceur avec un extrait du premier album de Winger, emmené par le bassiste-chanteur Kip Winger, produit par Bo Hill, qui a également produit bien sûr Rat, mais également Twisted Sister. Et extrait de cet album, et bien on s'écoute le morceau qui l'ouvre, Madeleine. Je vous souhaite une bonne semaine à vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 15h à 17h pour un nouveau numéro de Rock the Nations. Prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao.